9. Invitation de Robillard. À peine avait-il fini que Madame d'Orvillers, avertie de l'arrivée de son frère, entra chez lui et se jeta à son cou. « Madame d'Orvillers, quel bonheur de t'avoir enfin ici, mon ami, et pour longtemps, j'espère. » Le général. « Oui, ma bonne sœur, pour un mois au moins. » Madame d'Orvillers. « Un mois? Tu veux dire deux ou trois ? » Le général. « Comme tu voudras. Nous avons le temps d'y penser. » Après quelques questions et observations, Madame d'Orvillers demanda à son frère « As-tu vu les enfants ?» Le général. « Je crois bien. Nous nous sommes embrassés bien des fois. Ils m'ont raconté un tas d'histoires, dont une assez drôle, qui regarde Mademoiselle la baronne de Castelsau et que je leur ai promis d'éclaircir. » Madame d'Orvillers. « Ce n'est pas Félicie qui te l'a raconté ?» Le général. « Non, c'est Laurent et Anne. » Madame d'Orvillers. « Quelle figure faisait Félicie pendant ce temps ?» Le général. « Félicie n'y était pas. Nous avions eu une entrevue orageuse dans le bois où elle se promenait avec ces deux petits imbéciles que je n'avais jamais vus chez toi et que je voudrais ni jamais rencontrer. » Madame d'Orvillers. « Comment encore ces petits Castelsau ? Je n'aime pas que Félicie les voie si souvent. Ils lui donnent de sottes idées d'orgueil. » Le général. « Qu'elle avait déjà, il faut le dire. Avons-nous eu des querelles à ce sujet ? Aussi, je crois qu'elle ne m'aime guère et qu'aujourd'hui, elle doit être furieuse contre moi et ses amis Castelsau encore plus. » Madame d'Orvillers. « Pourquoi cela ? Est-ce qu'ils ont été grossiers avec toi ?» Le général raconta à sa sœur ce qui s'était passé dans le bois. Elle en fut mécontente et surtout peinée, et parla à son frère de l'inquiétude que lui causait la hauteur impertinente de Félicie vis-à-vis de ceux qu'elle croyait être au-dessous d'elle. Le général. « Tu as raison de t'en inquiéter, et puis elle se fera détester de tout le monde. » Madame d'Orvillers. « On la déteste déjà, elle blesse tout le monde, jusqu'à sa bonne, qu'elle cherche sans cesse à humilier. » Le général. « La bonne, cette excellente Valérie qui les a tous élevés, qui les aime comme elle aimerait ses propres enfants. Écoute, Hélène, sais-tu ce que tu devrais faire ? La mettre servante dans une ferme. Je te réponds qu'elle perdrait bien vite ses grands airs. » Madame d'Orvillers, riant. « Comme tu y vas, Albert, trouve-moi un moyen moins terrible. » Le général, riant aussi. « Je n'insiste pas, mais avant tout je veux la détacher de ses sots amis, dont je te raconterai l'origine et l'histoire quand nous serons plus posés. Et je commencerai dès demain en allant voir ton cheminot et en sachant de lui s'il a réellement donné une rossée à Mademoiselle la baronne. » Madame d'Orvillers, effrayée. « Oh, mon ami, je t'en supplie, pas un mot de cela. » Le général. « Pourquoi donc ? Ce serait un moyen de tenir cette petite sotte. » Madame d'Orvillers, avec agitation. « Je t'en prie, Albert, si tu savais, n'en parle à personne. Je te le demande en grâce. » Le général, surpris. « Qu'est-ce qu'il y a donc ? Comme te voilà agité. Tu pleures, je crois. » Madame d'Orvillers avait effectivement les yeux pleins de larmes. Elle raconta à son frère ce que la bonne avait appris de Germain. Le général écouta l'histoire du cheminot avec la plus grande surprise et resta pensif quelques instants. « Sais-tu, dit-il, que j'admire la délicatesse de ce pauvre homme et de ce bon Germain qui garde le secret parce qu'ils sentent l'humiliation qui retomberait sur nous tous si cette histoire était connue ? C'est beau, cela. Je comprends aussi la frayeur de Félicie et sa répugnance à se trouver face à face avec cet homme. Orgueilleuse comme elle est, elle se sent en sa puissance et elle est obligée de lui savoir gré de sa discrétion. D'après ce que tu viens de me confier, tu penses bien que je n'en ouvrirai plus la bouche. Aïe, aïe ! Continua M. d'Alban en se grattant l'oreille, « comment me tirerais-je d'affaire avec les enfants ?» Il raconta à sa sœur comment il avait promis de leur rendre compte de ce qu'ils sauraient par le cheminot. Madame d'Orvillers. « Rien de plus facile que de t'en tirer. Tu n'as qu'à dire que tu n'as rien appris par le cheminot. » Le général. « Oui, oui, j'arrangerai cela. » Le père Robillard demande à parler à madame, dit un domestique en ouvrant la porte. Le général. « Il vit encore, ce bon Robillard ? Je serais bien aise de le voir. » Madame d'Orvillers. « Veux-tu que je le fasse venir ici ? Il nous dira ce qu'il a à nous demander. » Le général. « Très bien, faites-le monter, Flavien. » Le domestique sortit et revint peu d'instants après, amenant le père Robillard. Le général lui serrant la main. « Eh, vous voilà, mon vieux, et me voilà encore une fois dans le pays. Je suis bien aise de vous voir. Comment cela va-t-il ? » Père Robillard. « Vous me faites bien de l'honneur, monsieur le comte. Pas mal pour le moment. » « Vous avez bonne mine, monsieur le comte, ça me fait plaisir. » Madame d'Orvillers. « Et qu'avez-vous à me dire, mon bon père Robillard ?» Père Robillard. « Je venais demander à madame la comtesse si elle voulait bien nous faire l'honneur de venir assister à la noce de ma petite-fille, Amanda. » Le général. « Ah, vous la mariez donc ? Et à qui ?» Père Robillard. « Au fils du boucher Moutonnet, un brave garçon, doux comme un mouton. Ça n'a pas de résistance, pas de volonté. Juste ce qu'il fallait à Amanda, qui aime à commander. Ce sera une maîtresse-femme, allez, tout comme sa grand-mère. Le général. Qui vous a mené rondement pendant les 38 ans que vous avez été fermier chez mon père, et après lui chez ma sœur. Père Robillard. Et les choses n'en allaient pas plus mal, monsieur le comte. Elle vous menait son monde. Il fallait voir. Amanda est tout comme elle. Et si monsieur le comte veut bien nous faire l'honneur d'assister à la noce, il en jugera bien par lui-même. Le général. Très volontiers, mon brave homme. À quand la noce ? Père Robillard. Dans 8 jours, monsieur le comte. De demain en 8. Le général. Très bien, mon ami. Nous y viendrons. À quelle heure ? Père Robillard. Moutonnet viendra vous chercher, monsieur, madame. Et les enfants aussi. Nous comptons bien sur eux. Madame Dorvillet. La mairie est un peu loin pour les enfants. Père Robillard. Moutonnet les portera. Que cela ne vous inquiète pas. Madame Dorvillet. Mais pour revenir. Père Robillard. Moutonnet les portera également en retour. Madame Dorvillet. Mais ce pauvre Moutonnet aura assez à faire sans... Père Robillard. Que madame soit tranquille. Amanda lui commandera. Il faudra bien qu'il le fasse. C'est lui qui a la charge de tout le gros ouvrage. Après un quart d'heure de conversation, le père Robillard se retira. Monsieur d'Alban et madame Dorvillet se mirent à rire. Le général. Pauvre Moutonnet. Je ne voudrais pas être à sa place. Madame Dorvillet. Amanda a toujours été impérieuse. Elle va s'en donner avec son pauvre Moutonnet. 10. Embarras de Félicie. Quand on retourna dans le salon pour dîner, les enfants apprirent avec des transports de joie qu'ils étaient invités à la noce de Moutonnet et d'Amanda. Félicie seule n'en témoigna aucune satisfaction. Félicie. Je ne vois pas la nécessité d'aller assister au mariage de 2 paysans. Madame Dorvillet. Robillard a été 38 ans à notre service. C'est un brave et digne homme que nous aimons tous, et je te trouve très ridicule de le traiter de paysan avec ton air hautain qui me déplaît tant. Félicie. Et comment voulez-vous que je dise ? Madame Dorvillet. Tu peux dire le fermier, ce serait mieux dit. Félicie. Mais Moutonnet est un paysan. Madame Dorvillet. Pas davantage. Il est boucher, comme son père. D'ailleurs, pourquoi dire « paysan », qui est un terme de mépris, au lieu de dire « ouvrier » Félicie. Clodoald et Cunégonde appellent tous les gens du village des paysans. Le général. Sac à papier. Veux-tu bien ne pas nous parler de ces 2 petits drôles et de ne pas répondre à ta mère, comme tu le fais ? Félicie. Qu'est-ce que je dis de mal ? Le général. Tu prends un air impertinent que je ne supporterai pas. Entendu, Chippy ? Silence, ou je te flanque à la porte. Félicie, obligée de se taire, comprima sa colère, mais elle résolut de se venger en n'assistant pas à la noce. « Je n'irai certainement pas, » pensa-t-elle. « Si Clodoald et Cunégonde me voyaient à une noce de paysan, ils se moqueraient de moi. » On ne parla pas de la noce devant Félicie. Mais le matin du mariage, elle déclara à sa mère qu'elle se sentait très souffrante et qu'elle demandait à ne pas sortir. « Madame Dorvillet, qu'as-tu donc, Félicie ?» Félicie, « un affreux mal de tête !» Madame Dorvillet, froidement, « Il faut te coucher, ma fille. Va te déshabiller et mets-toi dans ton lit. » Félicie, enchantée de se trouver débarrassée de la noce, alla vite se recoucher. À peine était-elle dans son lit que sa bonne lui apporta une lettre de Cunégonde. Félicie lut, avec consternation, les lignes suivantes. « Ma chère Félicie, dites-moi si vous mettez une robe de soie ou une simple robe blanche pour la noce des Robillard. Ils nous ont invités. Maman nous emmène. Ce sera très amusant. » D'abord, il y aura un très bon dîner. Papa leur a prêté sa fille de cuisine. Et puis, nous nous moquerons bien de tous ces paysans, n'est-ce pas ? Ce sera très amusant. Nous danserons entre nous pour ne pas toucher leurs mains sales. Répondez-moi vite, ma chère Félicie. Que faut-il mettre ? Votre amie, Cunégonde de Castelsau. Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Se dit Félicie. Comment pouvais-je croire que mes amis consentiraient à assister à ce sot mariage ? Et comment faire pour y aller à présent ? Je ne peux pas me trouver guérie en 5 minutes. « Que faire ? Mon Dieu, que faire ?»« Le domestique demande la réponse, » dit la bonne en rentrant. « Il est très pressé. » Félicie prit son parti, demanda du papier, un crayon, et écrivit « Robe blanche, je n'ai pas le temps d'en écrire davantage. Votre amie, Félicie Dorvillet. » La bonne prit le papier, le lut. « La bonne. « Qu'est-ce que c'est, robe blanche ? Pour qui, une robe blanche ?» Félicie. « Porte vite, ma bonne, porte vite. Je te l'expliquerai tout à l'heure. » Félicie retomba sur son oreiller et ferma les yeux. 5 minutes après, elle était levée. Elle s'habillait en toute hâte, lissait ses cheveux, mettait la chaussure fine et la robe blanche préparée de la veille et s'apprêtait à aller chez sa mère quand la bonne rentra. La bonne. Comment ? Vous voilà levée ? Et le mal de tête ? Félicie. Il s'est passé en dormant. Je vais dire à maman que je puis aller avec elle à la noce. La bonne. Ah, vous allez à la noce à présent. Cela m'étonne. Vous étiez si décidée à ne pas y aller. Félicie sèchement. J'ai changé d'idée. Félicie sortit, laissant sa bonne très surprise. Il y a quelque chose là-dessous, pensa-t-elle. Elle n'avait pas mal à la tête, ceci est certain. C'était un prétexte pour ne pas aller à la noce. Et la voici qui change d'idée en 5 minutes, qui s'habille sans m'appeler et qui court chez sa mère de peur qu'on ne parte sans elle. Je suis sûre que la lettre de Castelsau y est pour quelque chose. Au reste, c'est tant mieux pour moi. Je pourrai rejoindre mes chers petits à la noce Moutonnet et Robillard, et je débarrasserai madame qui pourra se reposer. La bonne se mit à faire le lit. Elle trouva un papier dans les draps. Elle l'ouvrit. C'était la lettre de Cunégonde. Voilà l'explication du mystère. Les Castelsau y vont. Il faut qu'elle y aille aussi. Félicie était allée chez sa mère, qu'elle trouva prête à partir avec le général et ses enfants. Madame d'Orvillet. Te voilà, Félicie. Par quel hasard ? Félicie. Maman, j'ai dormi et je me suis réveillée guérie. Alors j'ai pensé que je ferais bien de vous accompagner. Madame d'Orvillet. Si c'est un remords de conscience, tu fais bien. Seulement tu ferais mieux de l'avouer franchement, au lieu de mentir, ce qui est très mal. Tu penses bien que je n'ai pas cru à ton mal de tête, que je ne crois ni à ton sommeil, ni à ta guérison merveilleuse. Si je te permets de nous accompagner, c'est pour ta bonne qui pourra nous rejoindre, au lieu de te garder. Le général. Et si nous t'emmenons, c'est à la condition que tu ne prendras pas tes grands airs, et que tu seras poli, pour tout le monde. « Oui, mon oncle, » répondit humblement Félicie, qui tremblait qu'on ne la laissât à la maison. On descendit le perron. « Et la voiture ?» demanda Félicie. « Elle n'est pas prête ?»« Madame d'Orvillet, nous allons à pied. » Félicie. « Pourquoi cela ?» Madame d'Orvillet. « Pour laisser aux cochers et aux domestiques leur liberté. Ils ont tous congé jusqu'au soir. » Félicie. « Ce sera bien désagréable d'arriver à pied, comme des pauvres. » Madame d'Orvillet. « Ce sera beaucoup mieux que d'empêcher nos pauvres domestiques de s'amuser. » Félicie. « Ce n'est pas une grande fatigue que d'atteler une voiture. » Le général, poussant Félicie. « Ah ça, vas-tu finir avec tes raisonnements, toi ? Marche en avant avec ton frère et ta sœur, et tais-toi. » Félicie ne parla plus, ne s'arrêta pas, mais elle n'en pensa pas moins, maudissant l'empire de son oncle dans la maison et la bonté absurde de sa mère, qui préférait le plaisir des domestiques au bien-être de ses enfants. Elle se consola par la certitude de retrouver à la noce ses amis Castelsau et se promit de se revenger sur les paysans de la contrainte qu'on lui imposait. Ils rencontrèrent à moitié chemin le pauvre Moutonnet, suant comme une grotte, pâle, exténué. Moutonnet. « Bien des excuses, messieurs, mesdames. Je me suis pressé tant que j'ai pu, mais j'ai couru et veillé une partie de la nuit. Vers le matin, je me suis un peu assoupi. Le temps de m'habiller, de prendre les ordres, et me voici en retard. » Madame d'Orvillet. « Pas du tout, mon ami. Nous venions au-devant de vous, comme vous voyez. Il n'y a pas de temps perdu. » Moutonnet. « Si ces dames et ces messieurs voulaient bien me garder le secret et ne pas parler à Amanda du retard, cela m'éviterait du désagrément. » Le général. « Sois tranquille, mon garçon. » Nous ne dirons rien, mais tu t'enfonces dans une mauvaise route, mon ami. Un mari qui a peur de sa femme, c'est risible, parole d'honneur. Moutonnet. Ce n'est pas que j'ai peur, monsieur le comte, c'est que je l'aime bien et que je ne veux pas la mécontenter. Le général. Ta ta ta, je connais cela. J'en ai vu plus d'un. Quand la femme gronde, le mari ploie le dos et la femme tape dessus. Et tu sais ce qui arrive à un homme battu par sa femme ? Laurent. Quoi donc, mon oncle ? Qu'est-ce qui arrive ? Le général. Le village se rassemble, on place le mari de gré ou de force sur le dos d'un âne, le visage du côté de la queue, et on le promène dans tous les hameaux de la commune. Laurent. Mais c'est très amusant cela. Moi, cela m'amuserait beaucoup. Le général riant. Ah bien, quand tu te marieras, tu pourras te procurer ce plaisir. Âne. Moi, je n'aimerais pas cela. Ne faites pas cela, Moutonnet. Ne laissez pas Amanda vous battre. Moutonnet riant. Il n'y a pas de danger, mademoiselle. Amanda a l'air comme ça un peu rude, mais quand on la connaît, il n'y a qu'à ne pas la contrarier. Elle est bonne et douce, elle fait tout ce qu'on veut. Je l'aime bien, allez, c'est tout à fait une bonne ménagère. Le général et Madame d'Orvillet se mirent à rire. Moutonnet rit plus fort qu'eux. Félicie le regardait avec dédain. L'oncle lui tapa sur l'épaule. « Pas de grands airs, » dit-il. Félicie baissa les yeux. Tout le monde se remit en marche. 11. La mairie et le repas de noces. Quand ils arrivèrent, le cortège de la noce débouchait sur la route, par couple. Amanda seule n'avait pas d'homme pour lui donner le bras. Moutonnet se précipita à son poste près de sa fiancée et, après les saluts, les compliments d'usage, on se dirigea vers la mairie. En l'absence du maire, M. d'Orvillet, qui était aux eaux des Pyrénées pour sa santé, ce fut l'adjoint qui fit le mariage civil. Une distraction de Moutonnet, qui examinait furtivement le visage un peu irrité d'Amanda, l'empêcha de répondre promptement à la question de l'adjoint. « Simplice, parfait, fortuné, Moutonnet, consentez-vous à prendre pour épouse Amanda, Olivette, Prudence, Robillard ?» Le silence du marié fit lever les yeux à l'adjoint. Amanda pinça le bras de Moutonnet, qui frémit sous le pinçon vigoureux de sa douce fiancée. « Aïe ! Oui, oui, oui » s'écria-t-il d'une voix éclatante. Ce fut un rire général auquel les parents eux-mêmes se joignirent. « Et vous, Amanda, Olivette, Prudence, Robillard, consentez-vous à prendre pour épouse Simplice, Parfait, Fortuné, Moutonnet ?»« Oui !» répondit sans hésiter, d'une voix retentissante et vibrante de colère, la robuste fiancée. Un nouvel éclat de rire partit de tous les côtés. La cérémonie s'acheva au milieu d'une gaieté bruyante, à laquelle ne participèrent pas les mariés. Moutonnet regardait Amanda d'un œil suppliant, et Amanda lui répétait sur tous les tons « Tu me le payeras. Tu ne l'emporteras pas en paradis. Tu verras si je sais me venger. Je t'apprendrai à me faire des affronts. » Le pauvre Moutonnet était plus mort que vif. Ses excuses les plus humbles, faites à voix basse, ne firent qu'exaspérer Amanda, qui se sentait observée et qui comprenait le ridicule de sa position. Quand les actes de mairie furent présentés pour être signés, l'adjoint dit à haute voix « Ceux d'entre vous qui ne savent pas signer devront faire une croix en place de signature. » Quand le général s'avança et prit la plume, l'adjoint « Une croix suffira, monsieur, si vous avez de la difficulté à signer. » Le général, riant « Je signe assez facilement. Je vais toujours essayer. » L'adjoint « Mais monsieur, il ne faut pas faire de gribouillage sur les registres. Mettez une croix, ce sera plus sûr. » Le général avait signé, mais en riant de si bon cœur que la plume, se trouvant secouée et trop pleine d'encre, en laissa échapper une grosse goutte. L'adjoint « Là, je le disais bien, ce que c'est que de vouloir en faire plus qu'on ne sait, voilà un registre déshonoré !» Pour le coup, le rire devint si général que M. d'Alban, sa sœur et bien d'autres en avaient les larmes aux yeux. Le pauvre adjoint était visiblement vexé. Il fut abîmé de quolibets. Il comprit enfin sa sottise et se perdit tout honteux dans la foule. Le cortège se remit en marche pour arriver à l'église. Chacun avait repris son sérieux. Amanda ne s'adoucissait pas. Moutonnet, tremblant et confus, semblait un condamné à mort. On arriva, on se plaça, la cérémonie du mariage commença. Cette fois, Moutonnet répondit oui avec un empressement des plus satisfaisants, et Amanda, d'une voix radoucie, qui fit relever à Moutonnet sa tête abattue. Après la messe, on se dirigea vers un grand hangar où le dîner était prêt à être servi. Chacun prit sa place. On fit asseoir le général à la droite de la mariée, le petit Laurent à la gauche, Anne près de Laurent. La bonne, arrivée pendant qu'on était à la mairie, fut placée près d'Anne. Madame d'Orvillet eut la place d'honneur près du vieux Robillard, en face de son frère, qui avait à sa gauche la vieille mère Robillard. Les Castelceaux étaient arrivés au milieu de la messe. Félicie, d'abord enchantée d'être au rendez-vous avant eux pour qu'ils ne la vissent pas arriver à pied, commença à s'inquiéter quand on fut sorti de la mairie. À l'église, son inquiétude augmenta. Mais au milieu de la messe, quand on entendit le roulement d'une voiture et la voix impérieuse de M. de Castelceau, qui se faisait faire place pour arriver au premier rang, l'agitation de Félicie cessa et le mécontentement de Mme d'Orvillet commença. Elle crut comprendre les motifs de la conduite de Félicie. Elle fit tous ses efforts après la messe pour l'empêcher de faire bande à part avec les Castelceau. Mais, obligée de garder son rang dans le cortège de la noce, elle n'y réussit pas. Félicie, d'un bond, avait rejoint ses amis. Elle évita de jeter les yeux du côté de sa mère, devinant les signes qu'elle lui adresserait et ne voulant pas y obéir. Robillard, pressé de se mettre à table, emmena Madame d'Orvillet. Félicie, livrée à elle-même, resta avec Clodoald et Cunégonde. Ils commencèrent leurs impertinentes plaisanteries, tout bas d'abord, plus haut ensuite, de manière à être entendus de leurs voisins. Cunégonde. « Allez-vous dîner avec tout ce monde-là, Félicie ?» Félicie. « Je ne sais pas trop, ce sera difficile de faire autrement, à moins de ne pas dîner. » Cunégonde. « Ah, mais non, par exemple, un dîner excellent, apprêté par notre fille du château, je veux en goûter et en manger. » Clodoald. « Il y a un moyen de tout arranger, faisons-nous servir à part. » Je vais en dire un mot à maman. Clodoald parla en effet à sa mère et à son père. Ils jetèrent un coup d'œil dédaigneux sur les convives. Ils virent que les places d'honneur étaient prises par Madame d'Orvillet et M. d'Alban. « Il n'y a plus de place convenable pour nous, » dit d'un air sec le baron Castelsau. « Mais, comme dit mon fils Clodoald, on nous servira à part, et les premiers comme de droit. » Madame la baronne approuva en balançant la tête, et au moment où arrivait la soupe en plusieurs soupières, pour que chacun pût se servir à l'aise, le baron appela « Eh, par ici donc ! Nous dînons à part, des assiettes, des couverts, des serviettes !» Moutonnet, « Monsieur le baron, il y a des places vides tout près de vous, au bout de la grande table. » Le baron, « Pour qui me prends-tu, mon garçon ? Crois-tu que j'irai me mêler avec ma femme et mes enfants à tous ces manants, pour attendre qu'on veuille bien me servir après les rustres que le hasard aura placés avant nous ? Je dîne seul, en famille, ou pas du tout, et j'emmène ma cuisinière. » Le jeune Moutonnet courut avertir son grand-père, qui parut fort contrarié, se gratta la tête, se leva de table après avoir fait ses excuses à Madame d'Orvillet et alla consulter sa femme. « Mère Robillard, tu te troubles pour un rien. Te voilà tout révolutionné pour une niaiserie. Je vais arranger tout cela. Va reprendre ta place. Mange tranquillement et ne t'occupe de rien. » « Père Robillard, mais ma bonne amie, mais... » « Mère Robillard, je te dis de me laisser faire. Tu n'entends rien à rien. » « Père Robillard, pardon, ma bonne amie, mais... » « Mère Robillard, ah ça, vas-tu te taire enfin ? Me prends-tu pour une imbécile à qui il faut mâcher les paroles ?» Amanda s'était retournée quand sa grand-mère avait élevé la voix. Elle se leva précipitamment et courut à elle. « Avez-vous besoin de moi, bonne maman ? Qu'a-t-il fait, bon papa ? Faut-il que je le ramène ?»« Mère Robillard, oui, prends-le, ma fille, et fais-le taire. Il n'en finit pas avec ses mauvaises raisons. » La vieille Robillard courut à son tour du côté des Castelsau qui attendaient, avec un mécontentement digne mais visible, qu'on leur servit le dîner apprêté par leur cuisinière. « Mère Robillard, faites excuse, monsieur le baron, madame la baronne, mesdemoiselles et monsieur, Robillard n'entend rien à rien. Il n'attendait pas l'honneur que lui font monsieur le baron, madame la baronne, ces demoiselles et le jeune monsieur, de partager notre joie et notre repas. Il n'a rien préparé pour cet honneur. » Le baron, « il devait bien penser que si je lui donnais mes gens, auxquels vous n'aviez aucun droit, il devait me donner à déjeuner et à dîner. » « C'est déjà un assez grand dérangement pour nous, sans qu'on l'augmente en nous faisant mourir de faim. » « Mère Robillard, mon Dieu, monsieur le baron, veuillez l'excuser. Il n'a pas beaucoup d'intellect, vous le savez, et quand je ne me mêle pas des choses, rien ne va. » Tout en parlant et en écoutant, la mère Robillard avait débarrassé une table, des verres, bouteilles et assiettes qui la couvraient. Elle y avait mis une nappe blanche, en faisant observer qu'elle pensait à tout. Elle mit 5 couverts, tout ce qui était nécessaire pour le service, et courut chercher une soupière bien pleine de soupe. Félicie et ses deux amis triomphaient. La mère Robillard attacha au service de leur table un des jeunes moutonnets, car ils étaient 5 frères, tous de la pure race des moutons. Le langage incorrect des villageois, et un peu de malice peut-être, avait fait dégénérer les moutons en moutonnets. Ce jeune moutonnet, le plus jeune des frères, et l'aîné de 5 sœurs, avait 15 ans. C'est-à-dire qu'il avait 7 ans de moins que son frère, Simplice, parfait, fortuné, le nouveau marié. Il n'avait pas osé refuser l'honneur de servir les seigneurs de Castelsau, mais son attitude témoignait de ses regrets. Sans cesse, il tournait la tête et souriait d'un air d'envie en regardant les malices innocentes des jeunes gens qui servaient sous les ordres de Moutonnet, Simplice, parfait, fortuné. Les vengeances des jeunes convives, les poussades, les rires, les tours, les maladresses, tout enfin ce qui compose la gaieté d'une noce. 12. Le cheminot et le général en présence. Tout en mangeant, Félicie et ses amis continuaient leurs plaisanteries moqueuses, leurs observations méchantes sur les personnes présentes, sans même épargner le marié et sa famille. Clodoald. « Savez-vous, jeune Moutonnet, de quelle race était votre ancêtre, le premier mouton établi dans le pays ?» Moutonnet, jeune, d'un air naïf. « Non, monsieur, je ne l'ai jamais demandé. » Clodoald. « Est-ce de père en fils que vous avez cette chevelure si frisée qui rappelle votre nom ?» Moutonnet, jeune. « Je pense que oui, monsieur. Tous les moutonnets vivants sont frisés comme moi. Il y a bien des gens qui nous l'envient. On n'a pas besoin de passer par les mains du coiffeur avec des cheveux tout frisés comme ça. » Félicie. « Je n'ai pas de fourchette pour manger mon poulet. » Moutonnet, jeune. « Pardon, mamselle, vous en avez une, près de vous. » Félicie. « Mais c'est une fourchette sale. » Moutonnet, jeune. « Pardon, mamselle, la mère Robillard l'a mise toute propre tout à l'heure. » Félicie. « Mais je viens de manger avec. » Moutonnet, jeune. « Eh bien, mamselle, ce n'est pas ça qui l'a salie. Mamselle ne me fera pas croire qu'une demoiselle propre comme mamselle salisse les couverts en mangeant avec. » Félicie. « Ce n'est certainement pas moi, mais la sauce, la graisse. » Moutonnet jeune. « Oh, mamselle, tout ça n'est pas de la saleté. C'est bien bon, au contraire. » Félicie, avec impatience. « Que ce paysan est bête. Donnez-moi une fourchette propre. » Moutonnet jeune. « Oui, mamselle. » Le moutonnet jeune prit la fourchette sale, l'essuya avec un bout de chiffon qui était dans un coin et la rendit à Félicie. Félicie, en colère. « Sale paysan, faut-il être dégoûtant pour faire des choses comme cela ?» Moutonnet jeune. « Dame, mamselle, nous autres, c'est comme ça que nous faisons. » Cunégonde. « Il n'y a pas moyen de manger avec des couverts si dégoûtants. » Moutonnet jeune. « J'en suis bien désolée, mamselle, mais je ne sais qu'y faire. Je vais demander à la mère Robillard. » Moutonnet jeune disparut et ne revint plus. Il s'était faufilé parmi les garçons qui aidaient au service de la grande table, et il se consola des impertinences de Félicie par les rires et par la franche gaieté de ses compagnons. La mère Robillard ne tarda pas à revenir, rouge et essoufflée, pour savoir ce qu'il y avait et pourquoi Moutonnet jeune était tout triste. La baronne. « Votre Moutonnet est un imbécile, madame. Il n'entend rien au service. » Mère Robillard. « Quant à imbécile, il ne l'est pas, sauf votre respect, madame la baronne. Et quant au service, il ne connaît peut-être pas celui de vos châteaux, mais il est bien futé pour celui qu'on doit faire chez lui. Il vous égorge et vous apprête un mouton ou un veau comme un homme. » Le baron. « Je ne vous ai pas demandé, madame, pour faire l'éloge de ce petit sot, mais pour nous faire servir notre dîner par quelqu'un de capable. » Mère Robillard. « Ah bien, monsieur le baron, je ne saurais trouver mieux. Un autre ne se serait peut-être pas accommodé si longtemps des moqueries de ces demoiselles et de votre petit monsieur. J'ai beaucoup à faire, voyez-vous. C'est moi qui donne le dîner. Tout retombe sur moi. Mère Robillard, criait-on de tous côtés. Du cidre, s'il vous plaît. Et puis, on manque de verre par ici. » Elle répondait. « Ah bien, qu'on boive deux dans le même verre. Quant au cidre, allez, vous autres, jeunes garçons, mettre une nouvelle pièce en Perse. Moutonnet vous fera voir où ce qu'elle est. Pardon, excuse, madame la baronne, si je vous laisse. Tout retombe sur moi. Je ne puis m'absenter. Mais je vais voir à ce que vous soyez servi par quelqu'un d'intelligent. » La mère Robillard partit, laissant la table Castelceau très courroucée du peu de respect qu'on lui témoignait. La brave vieille, bien qu'elle fût impatientée de l'exigence de ses Castelceaux, s'occupa pourtant à leur chercher un serviteur intelligent et obligeant. En attendant, Moutonnet, simplice, parfait, fortuné, porta différents mets sur leur table et ils se résolurent à manger sans changer de couvert. Le dîner était déjà assez avancé quand le nouveau serviteur des Castelceaux parut. À son aspect, les trois enfants se levèrent en criant. Le baron et la baronne se dressèrent également dans une violente indignation. Le cheminot, car c'était lui, qui ne s'attendait pas à paraître devant Félicie et les Castelceaux, resta ébahi. Tout le monde s'était retourné et levé, se demandant ce qu'il y avait. M. d'Alban comprit de suite l'embarras de la situation quand il entendit l'exclamation de sa sœur « Le cheminot !» Il se leva, se dirigea vers le cheminot et, lui serrant la main, il dit haut, de manière à être entendu de tout le monde, « Je suis bien aise de vous retrouver ici, mon brave homme, pour vous expliquer ma reconnaissance du grand service que vous avez rendu à ma sœur et à ses enfants, en les sauvant des griffes et des dents de l'ours. Comment cela va-t-il maintenant? Vous avez été grièvement blessé ?» Le cheminot s'était remis pendant le discours du général. Il remercia à son tour des bontés qu'on lui avait témoignées. Tout en parlant, il examinait attentivement M. d'Alban. Le cheminot. « Pardon, monsieur, si je vous fais une question, comme on dit, saugrenu, monsieur est-il militaire ?» Le général. « Certainement, depuis 23 ans. » Le cheminot. « Monsieur n'a-t-il pas été colonel au 40e de ligne, en Afrique ?» Le général. « Pendant 10 ans, mon ami. » Le cheminot. « Monsieur est donc monsieur le comte d'Alban ?» Le général. « Tout juste, mon cher. Comment me connaissez-vous » Le cheminot. Monsieur se souvient-il d'un colon qui a aidé un jour monsieur le comte à se débarrasser de trois Arabes qu'il avait attaqués un peu rudement? Le général. Si je m'en souviens, je me vois encore aux prises avec ces coquins qui me labouraient les côtes avec leurs sabres. Sans ce brave colon qui est venu à mon secours en se jetant sur eux comme un lion et qui les a travaillés à son tour avec une serpe, j'étais un homme mort. Et vous étiez donc là? Vous avez assisté au combat? Le cheminot. C'était moi le colon, monsieur. Vous? « C'était vous ?» s'écria le général en lui serrant les mains au grand scandale des Castelceau et de Félicie et aux acclamations de tous les assistants. « Mon ami, mon brave ami, mais vous êtes donc destiné à être le sauveur de toute la famille. Je suis heureux de vous rencontrer, mon ami. Comment m'avez-vous reconnu? Je vous ai si peu vu, on m'a emporté presque tout de suite. C'est moi-même qui vous ai emporté, monsieur, avant que vous eussiez repris connaissance. Les Arabes étaient blessés et en fuite. Il n'y avait plus de danger pour vous. Mais vous étiez sans connaissance. Vous n'avez donc pas pu voir mon visage. Mais j'ai bien vu le vôtre pendant une heure que je vous ai porté. Cette scène avait mis un peu de désordre dans le repas. Madame d'Orvillers s'était levée de table et était venue remercier le brave cheminot. Laurent et Anne regardaient, tout ébahis. Ils coururent à lui et l'embrassèrent. Le bon cheminot ne savait comment assez remercier de la reconnaissance qu'on lui témoignait. Il regardait Félicie du coin de l'œil. Il souffrait pour elle de son embarras. Madame d'Orvillers ne savait si elle devait l'appeler ou la laisser comme dans l'oubli. Le général fit cesser l'indécision. « Viens, Félicie, il faut que toi aussi tu remercies ce brave homme qui m'a sauvé la vie. Tous, nous lui devons beaucoup. » Félicie ne bougea pas. Son oncle alla à elle, lui prit la main et lui dit à l'oreille en l'embrassant « Je sais ce qui te retient. Je sais tout. Il faut que tu viennes. Sans quoi, on pourrait deviner. Les Castelso, surtout. » Félicie devint pourpre, mais elle n'hésita pas à suivre son oncle et à aller serrer la main du cheminot. Elle voulut parler, mais l'humiliation était trop grande pour son courage. L'effort avait été trop violent. Elle éclata en sanglots. Tout le monde crut que c'était la reconnaissance qui la faisait pleurer. On lui sut gré de ce bon sentiment. Mais l'oncle et le cheminot, qui devinaient la cause de son émotion, la plaignaient. Le cheminot lui dit tout bas « Pardon, mademoiselle, pardonnez-moi, je ne savais pas ce que je faisais. » Pour faire finir cette scène, le général prit le bras du pauvre cheminot et présenta cet homme à toute la société comme son sauveur. Il demanda qu'on lui fît à table une place près de lui. Chacun s'empressa d'y aider en se resserrant un peu, en apportant une chaise, un couvert, en rapportant les plats déjà mangés. Au commencement, le cheminot fut un peu confus de l'honneur qu'on lui faisait, mais il ne tarda pas à se remettre et il se mit à manger de bon appétit et à boire en homme altéré.